Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 116e émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation et du choix musical. Et j'aime souligner à chaque semaine la participation de personnes qui nous donnent du feedback de façon régulière. Je mentionne ici les noms de Denis Marchand, Robert Blanchette, Noël Douville et Michel Vandal. Ce sont des commentaires sur les émissions passées. C'est très apprécié et c'est constructif pour nos auditeurs. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons Motor Psycho de Norvège. Nous aurons Çoğun Lukla Sararsız de Turquie, Figeri d'Italie, Abraxis de Belgique, Argent d'Angleterre, Eric Norlander, Pucifer des États-Unis. On aura Magic Pie de Norvège, Goblin Rebirth d'Italie, Seven Impale d'Angleterre. On a une suggestion aussi d'un fidèle auditeur, Paul Baudouin. On parle de Nectar d'Angleterre. Et on aura en fin d'émission Pink Floyd qui occupe la 10e position du palmarès Rock de Neurones et on aura un extrait de l'album Animals. Et on conclura avec le Canadien Rick Miller. Alors, on débute avec Motor Psycho. Motor Psycho, qui est une formation de Norvège qui est quand même assez prolifique. On parle ici d'un groupe qui existe depuis 1991. Ils viennent de sortir leur 20e album en carrière. Et l'album s'intitule Here Monsters. On va entendre la pièce Lacuna Sunrise. Ça sera suivi d'un nouveau groupe de la Turquie, Çoğun Lukla Sararsız, avec deux extraits de l'album Kum Taneleri. Et on va conclure le bloc avec la formation italienne Figeri, avec la pièce Oriental Dream et ses extraits du plus récent album Words Are All We Have. Alors voici pour débuter Motor Psycho. Shame has chased all the memories away. 7, and we have main engine start, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff of the space shuttle, and the shuttle has cleared the tower. Yine gelmiyor. Küçük hayal kırıklıkları birikerek büyüyor. Tep tep terep tep tep terep tep. Bak işte yine yeni bir gün bitiyor. Çıkmaz sokak yine hiçbir yere varmıyor. İçimizdeki mesafe gittikçe büyüyor. Tep tep terep tep tep terep tep. Oysa küçücük bir çocukken sana öğretildiği gibi beklerken umutla birer birer geçen zaman eksiliyor. Thank you. Alors, c'était la formation italienne Figieri. C'est une nouveauté. Words Are All We Have. C'est le titre de l'album qui est paru il y a quelques semaines. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Oriental Dream. Ça a été précédé de Shokun Lukla Sararsiz de Turquie, qui est un nouveau groupe avec un nouvel album. On a entendu deux pièces extraites de ce nouvel album, Kum Taneleri. Et en entrée de bloc, nous avions Motor Psycho de la Norvège avec la pièce Lacuna Sunrise. Et c'est extrait de nouveauté aussi, Here Be Monsters. Pour les personnes désirant l'orthographe exacte des artistes, des albums et des pièces, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et toute la discographie qui est présentée à l'émission s'y retrouve avec les liens pour les émissions précédentes qui sont archivées. Après la pause, Abraxis de Belgique, Argent d'Angleterre et Eric Norlander des États-Unis. C'est fou, 89,9. Chaque lundi, les Daily Hounds vous présentent une émission variée, qui passe de faits divers à la présentation de personnes inspirantes. Soyez des nôtres. Les Daily Hounds, lundi à 13h, à C'est fou, 89.1 FM. Attention, cher public. La sortie de secours est à votre gauche. Une émission d'actualité le jeudi à 13h sur les ondes de C'est fou 89.1. Bienvenue à bord. Vous êtes un groupe de musiciens. Vous voulez monter sur les planches et avoir les plus grands honneurs. C'est votre chance. Le plus grand concours en Mauricie, les Mardis de la Relève du Gambrinus, est en pleine campagne d'inscription pour sa 19e édition. Plus de 10 000 $ en prix à gagner, dont des sessions d'enregistrement studio, diffusion radio sur les ondes de C'est fou et la possibilité de jouer sur les grandes scènes de différents festivals. Pour information et inscription, gambrinus.qc.ca. Faites vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, un événement production Joshua et C'est fou. Vous êtes à C'est fou? 89. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc de l'émission avec une formation belge du nom de Abraxis. Abraxis qui ont fait un seul album en 1976. C'est un album éponyme et on va entendre la pièce Valse de la mort à boire et à manger. Ça sera suivi de Argent. Argent qui est un groupe qui a été actif dans les années 70. Autour du fameux Rod Argent qu'on a connu comme étant le claviériste de la formation bien connue des années 60 de Zombies. Et il a quitté le groupe tout de suite après le fameux 45 tours Time of the Season qui s'est vendu pour 1 million d'exemplaires. Mais Rod Argent a préféré quitter le groupe pour former son groupe Argent. Il a même refusé de joindre le groupe Yes à l'époque. Alors, c'est pour dire qu'il était assez... en tout cas, il avait raison. ça va être suivi par Eric Norlander, qui est aussi un Américain, qui est le claviériste du groupe Rocket Scientist et qui œuvre en solo. On le voit aussi participer à des bands comme Arion, entre autres. Et ce qu'on va entendre, c'est un extrait de Seas of Orion, qui est son quatrième album solo. On en compte 5 ou 6 à son actif. Alors, on débute avec Abraxis. Ça sera suivi de Argent et Eric Norlander. Thank you. Thank you. We'll be right back. sight, headlong into dread, hoping, praying, I'll find the path to tread. Taking me high. Vous venez d'entendre Eric Norlander des États-Unis avec la pièce City of a Living Machine. C'est extrait de Seas of Orion qui est paru en 2004. Ça a été précédé par Argent, la formation britannique. Et on a entendu la pièce Trapeze, et c'est extrait de Circus, paru en 1975. Et on a débuté le bloc avec la formation belge Abraxas, avec la pièce Valse de la mort à boire et à manger, et c'est tiré de l'album éponyme qui est paru en 1977. Après la pause, Pucifer, Magic Pie, Goblin, Rebirth et Seven in Pale. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au troisième bloc de l'émission et on débute ça avec une formation américaine du nom de Pucifer. Pucifer qui ont trois albums et ce qu'on va entendre, c'est extrait de Money Shot et c'est la pièce Agostina. Ça sera suivi de la formation norvégienne Magic Pie. On ira ensuite en Italie avec Goblin Rebirth. Et on va conclure avec Seven in Pale d'Angleterre. Celestial ocean, choice and chances. Future, love, and light. Infinity has many faces. I see them all tonight. In

Alors, venez d'entendre Seven in Pale, qui est une formation britannique avec la pièce Extraction, et c'est tiré de City of the Sun, paru en 2014. Ça a été précédé par Goblin Rebirth, formation qui est en parallèle avec la formation italienne Goblin, bien entendu. Et l'album éponyme Goblin Rebirth qu'on a entendu une pièce, c'est Mysterium, paru en 2015. Ça a été précédé de la formation norvégienne Magic Pie avec Tears Gone Dry, et c'est extrait du plus récent album King for a Day. Et on a commencé le bloc avec Pucifer, une formation américaine avec Agostina, et c'est extrait de Shot. Après la pause, Nectar, Pink Floyd et le Canadien Rick Miller. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on va débuter avec une suggestion d'un fidèle auditeur, Paul Baudouin, qui nous propose de revisiter Nectar, qui est la formation britannique qu'on a connue dans les années 70, qui est encore active, qui se promène un peu partout, surtout avec le dernier album qui est paru en 2013. Mais ce qu'on va entendre, c'est tiré de Remember the Future. On va entendre Remember the Future Part 1. Et c'est le quatrième album du groupe qui est paru en 1974. On va enchaîner ça avec Pink Floyd qui occupe la position 10 du palmarès Rock de Neurones avec l'album Animals. Et on va entendre Pigs. Et en fin de bloc, le Canadien Rick Miller qui vient de faire paraître un nouvel album Breaking Point. Et on va entendre un extrait, Tears of Blood. Alors on débute ça avec Nectar. We'll be right back. Bye. Hey, you are is fading from your face. Like your arms, the day surrenders its embrace. Dreams and memories I can't erase. A ghost that waits in the dark. My heart. Alors, c'était Rick Miller, le Canadien, avec la pièce Tears of Blood, et c'est extrait de son plus récent album Breaking Point, qui est paru l'an dernier. Ça a été précédé de Pink Floyd avec la pièce Pigs, extrait de Animals. Et en début de bloc, nous avions Nectar, une formation britannique, avec Remember the Future, un extrait de cet album, et qui est paru en 1973. Et je souligne encore une fois que c'est une suggestion de fidèle auditeur Paul Baudouin. Et je voudrais inviter les auditeurs qui, comme Paul, ont des suggestions à me proposer, de le faire en consultant la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et en même temps, vous y trouverez la nomenclature et l'orthographe précis de toutes les pièces, les artistes et les albums dont on a fait part dans l'émission aujourd'hui. Et aussi, vous aurez les hyperliens vers les émissions qui ont été archivées. On en a une soixantaine qui remontent dans le temps. Et sur le lien, vous allez aussi pouvoir consulter la liste des pièces qu'on a proposées à l'époque. Alors, ceci met fin à l'émission et c'est Jimmy Farley qui vous souhaite de passer une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à nous pour une nouvelle émission de Rock de Neurones la semaine prochaine.